tous les carrefours, il y avait de grands, d'immenses écrans plats. La la la la. Qu'on tourne la tête à gauche, à droite, on ne voyait plus que ça. La la la la. Et pourtant le ciel était bleu, les enfants toujours merveilleux. Mais les yeux collés aux télés, les gens oubliaient de vivre et même de regarder les jolies étoiles qui brillaient d'un bout à l'autre de l'année dans les yeux de leur bébé. Un jour un petit bonhomme est venu et il a tout débranché. Yeah yeah yeah yeah. Une fillette a tant aimé qu'elle a refermé sa grande télé. Lé-lé-lé-lé. Et c'est comme ça que la parole a enfin retrouvé tout son rôle. Et maintenant dans le quartier, on s'arrête dans la rue simplement pour discuter. On a démonté les écrans et on prend beaucoup de temps pour écouter les enfants.